best time of your life, bring a friend. Bring a friend. Too many times I see man down. More reasons to be grateful, yeah, yeah. Oh, mama, yeah, I mix that waist with the rhythm with just a acapella. Shout to the world, you know this for everyone. Mardi matin sur Énergie, 16 octobre, c'est Cédric, bienvenue à ceux qui débarquent, qui ont écouté le tout nouveau de Louane avec Julien Doré, c'est midi sur novembre. Julien Doré avec Louane, Juice WRLD aussi dans le pays, c'est Énergie, avant de le retrouver à 23h ce soir, c'est le meilleur de Mickaël. Et on a parlé un sujet important, oui les amis, on a parlé tirage de cheveux. Les appels bienveillants avec, selon le magazine Glamour, les Françaises aiment se faire tirer les cheveux pendant qu'on leur fait l'amour. Selon le magazine, elles seraient 70% à en redemander. Alors Amina, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé toi ? De quoi ? De partir mec... contre quelqu'un ? Oui, non. Ça va pas tarder, ça c'est évident. Qu'un mec te tire les cheveux pendant que tu fais l'amour avec lui. Pas. Non mais attention, attends Amina, je tiens à dire, il y a tirer les cheveux. Hein. C'est tout doucement comme ça, tu sais, en prise légère. Non mais attends, on est où là ? On est chez les Apaches, on va scalper les gens, c'est quoi le concept ? Ça n'a rien à voir. C'est pas question de scalper, c'est de tirer. Tu vois, la queue de cheval, tu sais, doucement, comme ça, c'est toujours bon. Non. Pas violemment, en douceur. Moi, je te dis, ça me coûte beaucoup trop cher en entretien par an. Oh là là, on dira. Et après, on va dire que c'est toujours moi qui parle de voiture. Hein. On dirait qu'elle parle d'un entretien de voiture, là. Bah même oui, ça, oui, combien, oui. Ça coûte combien, mes produits bio, machin, le coiffeur. La France veut des chiffres. Les thermoprotecteurs, l'après-shampoing. Combien ? Mais attends, toi tu comptes combien de gel douche t'achètes par an ? Bien sûr. Tout ce que je peux dire, c'est que ça me coûte une fortune. C'est combien ? Et pour qu'il se retrouve par terre, c'est pas la peine. Ouais, et tire, du coup, si je peux tirer, je paye l'entretien. Ah bah voilà. C'est Polo qui s'est fait tirer les cheveux, c'est pour ça qu'il y en a plus là. Ouais, c'est ça, ouais. Écoute, si les gens ont envie de se retrouver avec des calvicies et des trous dans les cheveux à 40 mais ans, mais on te parle pas de les arracher les cheveux. C'est tirer doucement. Ouais, voilà, c'est pas. Bah écoute, tu vois pas c'est bon. Tu vois pas l'intérêt, mais pourtant 70% des Françaises en redemandent. Et eh bah, grand bien leur face, on les embrasse. Et eh bah voilà. Bon, il y a dans les 30% restants. Visiblement. Ou dans les 30% qui ne l'admettent pas. C'est possible, c'est possible. Et en fait, il n'y a aucun problème, je l'aurais admis. Mais bon, bref, tu sais quoi ? Laisse-moi tranquille, je vois pas l'intérêt. Vous, votre délire, c'est quoi ? Tirer les cheveux des gens, faire un pied-joue je sais pas, non. Amusez-vous non. Avec vos barbelés et tous vos bazars. Notre barbelé. Moi, je suis dans les vraies choses. Quelle exagération. Du coup, Tof, on va prévenir tes amis, enfin toi surtout. Ah bah oui, allons-y. Et quand on dit les amis de Tof, ce sont évidemment les gens, les numéros de téléphone de gens que vous connaissez, amis ou ennemis, peu importe, c'est anonyme, vous pouvez balancer le numéro de la personne de votre choix. On ne dira jamais qui nous a donné le numéro, bien sûr, donc vous pouvez envoyer ça sur toph@energie.com. On y va ? Allons-y. Allez. C'est Tof, madame. Pardon ? Non, je dis c'est Tof, madame. Ah, ben t'as raccroché. Très bien. C'est marrant de décrocher en disant « Mais vous êtes qui ?» Oui, c'est particulier. C'est assez particulier comme manière. Bon, bref, écoute, on va rappeler. Hein. À tes souhaits. Merci. Oui, je m'excuse, on a été coupé. Je vois qui vous êtes, monsieur. Ben Tof, je viens de vous le dire, madame, mais on se connaît pas. Non, eh ben non, elle te connaît pas, elle veut pas te connaître puisqu'elle t'a nouveau raccroché au nez, dis donc. Et ben c'est sympathique effectivement. Bon, on rappelle. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va être très court. Pauvre con. Hein. Bah, monsieur, pourquoi vous dites ça ? Ça c'est quand même une grande première, hein, parce que pour le coup, on a toujours pas posé la question, on a rien dit. Et le mec décroche en pauvre con. Bon, on rappelle encore une fois, mais... Je pense que c'est des gens qui ont des petits problèmes. Ah ouais, ouais, là... C'est fou, ça, quand même. Eh ben, il décroche plus maintenant. Bonjour. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette famille ? Je sais pas. Mais c'est incroyable quand même. Bon. Bah oui. Ils sont un peu tendus. Et oui, bah écoute, ils ont l'air effectivement un peu tendus en effet. Bah écoutez, tant pis, hein, c'est pas grave. Dans le mois du Nord, on en fera d'autres. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, bon, bah vous les envoyez sur le mail de Toff. Donc toph@energie.com. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. Il est midi sur novembre. Et le soleil peut t'attendre. Que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses. Moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre. Je t'ai perdu dans la chambre. La pire en temps désert. Crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine, we'll be fine, I guess. We'll be fine, we'll be fine, I guess. We'll be fine, we'll be fine, I guess. Il est midi sur novembre. Et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. We'll be fine. We'll be fine, I guess. We'll be novembre, et le soleil peut te prendre. Que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. Énergie, j'allais demander comment ça va ce matin, mais j'imagine un petit peu fatigué. Normal, vu l'heure. C'est Cédric. On va écouter Juice WRLD dans la playlist Énergie. Il y aura aussi Kaigo et Kaiser Panda. Et puis le meilleur du Rico Show, c'est à 20h chaque soir sur Énergie. Écoutez ce qui s'est passé hier soir. Le podcast du Rico Show, 20h-23h. Sur Énergie. Yes, les amis! C'est votre émission, vous venez 0800 70 42 48, vous venez vous régaler avec nous. D'ailleurs, c'est ce qu'a fait Richard de Saint-Dié. Ça va mon Richard ? Bah, ça va bien mon Rico, bonjour l'équipe. Salut mon poulet, on vous accompagne en week-end. Si vous êtes sur la route, si vous êtes à la maison, on est avec vous les amis, on vous accompagne et vraiment on va kiffer. Mon Richard, j'ai deux Thaïlandaises qui ont fait quelque chose qui va vous plier de rire. Pas de mauvais jeu de mots mon Richard, que s'est-il passé à ton avis ? Moi, j'aurais dit qu'elles auraient été ensemble, non ? Ah, elles auraient été ensemble, elles auraient appelé Sylvain. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mon Richard. Sylvain, tu penses à quoi ? Ping-pong show, non ? Un ping-pong show, oh non. C'est quoi ? Or, ping-pong show, ce sont des femmes nues qui s'amusent au ping-pong. Ping-pong. Voilà. Oui, ça peut arriver. C'est une partie de leur corps. Oui, voilà, voilà. Elles s'amusent. Sarah ? Je sais pas, moi, ils ont fait un défilé de mode un peu chelou avec des baguettes et tout. Ah bon? Pourquoi des baguettes? Pourquoi des baguettes? Parce qu'elles mangent avec des baguettes, elles doivent défiler avec des baguettes. Voilà, c'est merci ça. Sarah. Tu manges avec quoi? Toi avec des fourchettes? Tu défiles avec la fourchette? Avec mes mains. Ah bon? Oui. Ah oui, bah écoute. Je sais pas, elles ont fait un record, le plus long massage du monde. Non, ah c'est vrai qu'ils sont forts dans les massages. Les massages thaïlandais, ah, oui. Ah moi, j'adore les massages thaïlandais. Non, tu t'es déjà fait masser toi, Sarah? Bah, bien sûr, j'adore. Massage thaïlandais, t'aimes massage bien. Thaïlandais, j'aime beaucoup. Ouais. Elles sont très douces et très à l'écoute de ton corps. Il y a de plus en plus des salons de massage thaï en plus. Ah oui, c'est vrai. Ouais. T'as vraiment... Richard, tu t'es déjà fait masser. J'en peux plus. Richard, tu t'es déjà fait masser par une Thaïlandaise? Ça pousse comme des champignons sur Paris. Ah bah sur Paris, ça pousse plus vite que les crèches. Hein. Et là, il n'y a pas de problème de place. Ah oui, il y a un salon tous les 300 mètres. Vous êtes, con, qu'est-ce que vous avez ce soir? Ils ont la connerie, mais la vraie connerie, les amis, complètement ouf. Je vais raconter en fait. Elles ont fait quoi ces Thaïlandaises, Rico? Elles ont massé qui? Elles se font passer pour des douaniers afin d'approcher leur idole. C'est pas une vanne. Hein, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles sont fans de la K-pop là, ouais. Qui cartonne en Sud-Corée. Et ils ont réussi à se faire passer pour des employés de douane pour apercevoir leur idole à l'aéroport. Et elles sont allées jusqu'à voler deux uniformes, justement, d'officiers pour passer les contrôles. Une ruse qui leur a valu d'être inculpée, hein, parce que là-bas, ils rigolent pas. Elles risquent de lourdes amendes et jusqu'à 5 ans de prison. Et les deux femmes ne regrettent pas. Elles disent « J'ai été la première personne à lui serrer la main. Je ne me laverai plus. » Ah ouais. C'est fort. Ouais, mais je peux les comprendre, moi. Moi, j'étais une fanatique aussi. On est tous fanatiques de quelqu'un. Moi, j'étais fan des 3T, les neveux de Michael Jackson. Oui. Faites passer pour la femme de chambre dans leur hôtel. Bon, ça n'avait pas marché. C'est pas mais vrai. Ouais, on est dingue quand on est fan. Ah d'accord, oui. C'était toi là, d'accord. C'était moi. La chambre d'hôtel. Oui, voilà. D'accord. Bon, c'est fort. Sylvain? Non, mais les uniformes, c'était des uniformes pour hommes ou pour femmes? Ah bah, je pense qu'ils ont pris pour les femmes si elles ont des uniformes. Pourquoi? Ah parce que, attention, en Thaïlande, on sait jamais. Non, mais j'ai pas compris. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a en Thaïlande? Ouais, il y a beaucoup de ladyboys, quoi, c'est pour ça. Ah oui, voilà. c'est une culture. Oui, c'est une culture, ouais. D'accord. Et t'as déjà eu un ami ladyboy justement là-bas en Thaïlande? T'es déjà allé? Une expérience? Je faisais beaucoup de stages de sport là-bas. D'accord. Donc je connais très bien la Thaïlande. Ah oui, et est-ce que ça t'est arrivé de croiser un ladyboy et justement. Ah, oui, c'est pour ça, je te dis. C'est... Tu t'es déjà trompé? Bah oui, mais je m'as dit dessus, j'ai dit oui. Ah, tu t'es déjà trompé? Ah, bah bien sûr. Parce qu'elles sont vachement bien faites. Hein. C'est une culture là-bas. Ah ouais, elles sont super bien faites. Hein. Ah, oui, c'est très bien. Moi j'ai été là-bas, elles sont super jolies. Et du coup, tu t'es planté un jour? Bah ouais, j'ai rencontré que des sarades. C'est pour ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as compris que tu t'étais planté? Ah ben, quand il a senti quelque chose de dur, il s'est dit oula, alerte rouge, ce n'est pas ce que je pensais. En plus en Thaïlande, un peu dans la pénombre quand tu sors du bar. Mais c'est pas grave. Hein, t'es vite à la faute. Il s'est dit oh putain, il en a une plus longue que moi. C'est pas normal. Arrêtez les gars. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h sur Énergie. So I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point why I love and I hate you, and I cannot change you. So I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel a-okay. I know it's all. Dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. You were my everything, thoughts of a wedding ring. Now I'm just bad I'll do it over again. I didn't want it to end. I watch it blow in the wind. I should've listened to my friends. Leave the shit in the past, but I wanted to last. You were made out of plastic, fake. I was tangled up in your drastic ways. Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes. I gave you my heart and you made heartbreak. You made my heart break. You made my heart break. Said than done. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. You found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. Tout le monde, vous êtes sur Énergie, c'est Cédric. J'espère que ça va ce matin. Une petite bise, une petite pensée sympa là, à tous ceux qui sont dans le sud de la France et qui ont les pieds dans l'eau. Ouais, je sais qu'il y a encore des intempéries là un petit peu partout. Donc bah, courage et puis bah, on pense à vous, promis. On va se faire Jonas Blue dans la playlist Énergie, Kaiser Panda, 3 cafés gourmands. Voilà, c'est la playlist Énergie. On sait aussi le meilleur de Koé, 17h-20h chaque fin d'après-midi sur Énergie. Voici ce qui s'est passé hier. 17h-20h. C'est Koé sur Énergie. Allô? Allô? Lucienne? Oui. Ah bonjour Lucienne, devine qui c'est. Comment? Devine qui c'est. Attendez, attendez que je calcule. Ah. Je reconnais pas votre voix. Ah bah si, devine qui c'est. Non. On se connaît bien. Comment? On se connaît bien. Qui c'est? Si je dis. Si vous dites pas votre nom, je ne peux pas savoir. Eh oui, mais si je dis qui c'est, et qu'ensuite je dis devine qui c'est. C'est la famille. Oui. C'est la famille? Oui.

dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi sert nous à boire, on a les yeux qui brillent. Acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Suéltate el pelo y salta de la cama. Estamos ready, la noche es muy larga. Así que vamos a quitarnos todas las ganas. Si tú estás bien, habla portugués. Conmigo mujer y si no pues tú no ven. Esta noche yo voy a hacerme con el parque. De noche me floco como Yandel. Énergie, on est mardi. Merci de vous réveiller avec nous, c'est Cédric. J'espère que tout va bien ce matin. On va écouter Muse dans la playlist Énergie. Ils seront avec nous le 10 novembre à Cannes en direct sur TF1 sur Énergie pour les Energy Music Awards. Oui, vous gagnez vos places ici toute la journée. Muse dans la playlist Énergie, Jeunesse Blue. Et avant de le retrouver à 23h ce soir, c'est le meilleur de Mickaël sur Énergie, le jeu du perroquet. Écoutez. Et on va se faire le jeu du perroquet avec Ambrine qui est avec nous. Bonsoir Ambrine. Bonsoir. Ça va? Ça va et vous? Bah oui, ça va très bien, ouais. Bon, Ambrine, t'appelles de Reims. Le 51, donc, represent Ambrine. Et nous allons jouer au jeu du perroquet. C'est alors, bizarre quand même ce prénom. Pourquoi? Ambrine? Pourquoi tu es jaloux? C'est très très beau comme prénom. Non, ah, mais c'est pas jaloux. C'est bizarre, ouais. On n'a jamais entendu parler Ambrine. C'est vrai que j'ai jamais non, eu. C'est vrai. Ambre, oui. Non, Ambrine, Ambrine, c'est vrai qu'on l'a pas encore eu. Bref, c'est très bien. Hein. Ambrine, donc, tu vas jouer maintenant à ce grand et magnifique jeu. Le jeu du perroquet. Pour jouer au jeu du perroquet, il va falloir évidemment, de un, que je te réexplique la règle, bien évidemment, et que tu choisisses quelqu'un que tu veux affronter au jeu du perroquet. Donc, Ambrine, tu veux jouer contre quoi, qui? Bah, toi, on va dire. Ah, merci! Ah, ça faisait longtemps que j'avais plus joué, putain, je suis content. Très bien, Ambrine. Tu restes dans le creux de la vague. Bah écoute, j'espère pouvoir remonter. En même temps, je te souhaite de gagner, mais bon, ça m'arrangerait pas trop, je vais pas te le cacher. Alors, Ambrine, tu veux commencer ou je commence? Attends, vas-y, commence. Arrête de. Toff, il est en train de magouiller un truc là. Qu'est-ce qu'il magouille? Je sais pas, t'es en train de tricher avec Toff. Bah non. Ah bon? Mais non, Mickaël est le meilleur, par contre, c'est tout. On triche pas, hein. Bah non, je triche pas, comment tu triches? Ouais. Bah non, je vois Toff, il est en train de faire des trucs bizarres là. Non, écoute. Ah non, il joue à son jeu, pardon, je me suis trompé. Bah comme d'habitude. Bon, allez hop, c'est parti, on y va. Donc le jeu du perroquet, la personne qui va décrocher, évidemment, tu peux lancer la conversation. À partir du moment où tu l'as lancé la conversation, dès qu'elle répond, t'es obligé de répondre, de répéter, pardon, exactement et mot pour mot ce qu'il ou elle va dire, d'accord? Ça marche. Si tu tiens plus que moi, enfin plus longtemps que moi avant de te faire accrocher au nez, tu gagnes et inversement. Allez hop, c'est parti. On y va. Ambrine, je te mets de côté. C'est moi qui joue. Ah ah ! Mauvaise chance. Merci. Oui, alors ? Oui, allô, bonsoir monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Vous m'entendez bien ? Tout à fait. Tout à fait ? Oui. Oui ? Je vous entends bien. Je vous entends bien. Très bien, pourquoi vous m'appelez ? Très bien, pourquoi vous m'appelez ? Bam, 19 secondes, ah c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Court, hein. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Enfin, Ambrine, bonne chance quand même, je suis fair play, je suis bon joueur et je te souhaite de gagner pour que tu puisses avoir un cadeau. Voilà, exactement, je ne suis pas comme les autres, the others. Allez, j'aimais le je suis fair play, je suis bon joueur, il ne souhaite qu'une chose, c'est qu'elle... Allez. Tout le monde sait que c'est faux, Mickaël. On y va. Mais je te remercie, Christophe. Mais je t'en prie, Mickaël. Allez, on y va. C'est parti. Ambrine, bonne chance. Merci. Allô? Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? Attendez, j'ai plus de réseau. Ah, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Allô? Oui, je vous entends, madame. Oui, vous entends, madame? Je vous entends. Je vous entends. C'est quoi? C'est une blague, c'est quoi? C'est une blague, c'est ça? Bon, Stop, j'ai arrêté parce que tu as... oublié un mot, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, quoi qu'il arrive, t'étais au-delà de 19 secondes. Et je suis bon prince parce qu'il y a eu un mot qui n'a pas été cité, qui a été donné dans la conversation, mais ce n'est pas sur grave. Au milieu de l'appel. Mais tu peux discuter si tu veux. Je ne lui enlève pas sa victoire. Je dis juste que je suis bon prince, qu'il y a un mot qui a été mal fait. De quoi ? J'entends que t'es un peu agacé, t'es irrité. Pourquoi ? Pas du tout. T'as l'air chafouin. Ah, mais pas du tout, au contraire. Au contraire. Au contraire. Parce que ménopausé. De toute façon, mais j'ai pas ton problème, Amina. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous pourrez réécouter sur les podcasts. Hein. Tout est là, la vérité est sur les podcasts. Oui, sur Amina. Voilà, c'est bravo, ça, sur énergie.fr. Bravo, Ambrine. Je te donne cette victoire, malgré cette erreur. Bah oui, je te la donne. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis joyeux, j'ai la joie de vivre. Il n'y a pas de problème. Même si je suis seul dans les défaites, il n'y a aucun problème. Mais non, le soleil brille, tout est là. Ben non, il est avec toi, une victoire chacun. Oh merde. Eh bah oui. Bon Ambrine, en tout cas bravo, je te renvoie chez Amina au standard. Merci. Et puis ça je te fais des gros bisous, je t'embrasse, à bientôt Ambrine. Salut à toi. Ciao, ciao. Mickaël. Rendez-vous ce soir dès 23h sur Énergie. Et toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et Mickaël officiel. We gonna ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all. We gonna ride till we fall. They think we just drop out, living at our mom's house. Parents must be so proud, they know it all. No, they don't speak our language, they say we're too savage, yeah. Sur NRJ, on est mardi. Salut tout le monde. Ayana Kamoura dans la playlist Energy. Elle est nommée au NRJ Music Awards, révélation francophone de l'année. Vous avez envie de voter pour elle, bah allez-y, NRJ.fr. Il y aura aussi Labrantia et Diplo juste derrière. Et avant de le retrouver à 20h ce soir avec toute l'équipe, voici le meilleur du Rico Show sur NRJ. Le podcast du Rico Show, 20h-23h sur NRJ. Les amis, ce soir je sors, je m'envoie comme un dingue, grosse soirée jusqu'à 4-5h du mat. J'ai besoin de vous. Vous venez, 0800 70 42 48. Comment je dois m'amuser? Quelles sont les erreurs que je dois pas commettre? Avec qui je dois y aller? Qu'est-ce que je dois faire pour pécho, pour sortir, pour m'amuser, pour tout? Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Et Denis a fait le 0800 70 42 48. Il habite Cannes. Ça va, Denis? Ça va très bien, et toi? Écoute, impeccable, mon Denis. Ravi de t'avoir avec nous. Denis, ouais, raconte-moi. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde, d'abord une grosse bise. Salut, bonjour. Bisous. Raconte-moi, mon Denis, ce que je dois faire ce soir, mon poulet. Eh ben déjà, avoir une bonne bande de potes. Ouais, d'accord. Premier truc. Définir qui c'est qui va être Sam. D'accord. Ça, c'est très important. Ouais. Très important. Parce que c'est con de finir dans le décor en retour. C'est vrai. Donc un gars qui ne boit pas et qui va pouvoir me ramener en vie. Ça, c'est bien. Voilà. Hein, ça, c'est très important. Pour être là lundi, qu'on puisse faire encore les cons. Ça, j'aime bien. Ok. Voilà. Ok, on prendra Malik parce que de toute façon il boit pas, il a un VTC. Ouais, okay. mais c'est pas sûr qu'il sache bien conduire. Ça c'est vrai. C'est vrai, ça, c'est pas parce que t'as pas bu en fait que t'as le permis quoi. C'est pas con ça, mon Dieu. Je suis mort de rire à chaque fois, je pleure quand je l'écoute. Ah ouais, il est énorme. Hein. Ça arrive d'ailleurs dans 5 minutes, mon Denis. Ok, donc j'ai mon Sam. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on fait après? Ah ça, une bonne bouffe avant de sortir, évidemment. Ah ouais, pour avoir le ventre, faut éponger aussi. Ah, parce qu'on va... ouais, le ventre bien plein. Ouais. Et après, le summum, quand tu rentres à 5h du matin, c'est rentrer avec une nana, quoi. Ah ouais. Ok, donc il faut que je range l'appart un peu, quoi. Ah bah ouais, sinon tu vas chez GM. Pourquoi moi, il y a déjà quelqu'un. Ouais, mais bon, ouais, les draps ils sont non, propres. Hein, vu l'activité qu'il a avec sa nana. Voilà, ouais, mais c'est pas grave, tu le fous dehors. Parce que si tu vas chez Sylvain, il va mater. Ah ouais, il connaît. Denis, c'est vrai, là, il va me mater, t'as raison. Il faut pas faire l'erreur parce que. Il serait capable de te la piquer en plus. Ah ouais, ah bah là, ouais. Je peux te le dire. Et puis surtout, lui, je peux te dire, il offre toujours le gîte, mais pas le couvert. Pas le couvert, parce que lui, le lendemain, il espère que c'est toi qui amène le couvert. Il t'offre le plumard, il te jette en travers dans un canapé. Son canapé, il est horrible. Tu sais pourquoi? Il met toutes ses fringues pliées. Il y a l'armoire vide. Et en fait, il a une chambre. Je t'explique, Denis. Il a une chambre. Il a l'armoire l'armoire qui est vide, d'accord. Et à côté de l'armoire, ouais, sur les canapés, il a toutes ses sapes. Mais il est fou, lui. Donc en fait, quand t'arrives et que tu veux dormir, il dit bah mets dans l'armoire. Donc le mec, t'es là, en fait, tu ranges. Dès qu'il a, c'est une chambre de séchage. Il fait sécher, il plie, et c'est à toi de ranger dans l'armoire. Ah ouais. Et derrière, tu dors. Et le lendemain, il te dit hey, t'as pas ton Uber à la con là, t'es Uber Eats là. Tu as pas commandé une éponge là, un McDo, quelque chose. Et l'autre jour, je lui dis si, mets la carte bleue dans la voiture. Il dit allez, garé où la bagnole. Donc le mec, je lui dis écoute, j'ai pas ma carte. Il part chercher la carte bleue de la voiture qui est garée à une borne, le mais il va jamais te payer un bout de steak. Mais tu crois que j'ai l'auberge espagnole chez moi ou pas? Ouais, c'est un crevard, Denis. C'est un crevard. C'est un crevard. Non, non, pas il connard, crevard. Il a dit connard. Non, t'aurais été lucide, Denis, si t'avais dit ça. Là, vraiment, tu le connaîtrais sur le bout des ongles. Là, vraiment, je peux te le dire. Ok. Bon, ben, ok, Denis, c'est noté. On a le SAM, on a tout. Sylvain. Ben, voilà, si tu sors en groupe, ouais, il faut la mixité. C'est-à-dire ouais, pas trop de mecs et plus de meufs en fait. D'accord. Tu vois, parce que ouais, si t'arrives avec trop de mecs, tu rentres pas en boîte. Ça, c'est pas sûr. En boîte. Donc il me faut de la meuf. Il faut de la meuf. Ouais, ouais. Genre 4 meufs pour 2 mecs, tu vois. Ouais. Mais il faut pas la meuf Michto. Ouais, ou celle qui te colle, mais toi t'as pas envie. Ah, en fait, ouais, t'as pas envie de sortir avec. Mais comme t'es un peu en galère, tu lui dis de venir. Ah, ouais. Et le problème, c'est que toute la soirée, elle croit qu'elle va te pécho. Ouais, ça, c'est relou. Et quand tu rentres avec une meuf à 3h du mat de la Teubois, alors qu'elle s'est déplacée avec toi et tout pour kiffer, c'est galère. Ouais. Ouais. Non mais c'est vrai. Tu la refiles à tes potes sinon. Ah oui. Bah oui, c'est ça qu'il faut faire. J'ai une petite idée alors. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie. Et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 23h sur Énergie. Elle a pas pu mais qui bazar. J'entends des bails à 300 mois. À ce qui paraît, je te cours après. Oh, yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas, mais t'es taré. Ouais. Mais comment ça, le monde est hypé. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Tu es le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, si tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. D'après toi. En katana, baby, tu dettes ça. En katana baby, en katana baby, tu ça. En katana baby, oh dja dja, oh dja dja, oh dja dja. All I need is one. Where's the love? Put down the end to. Let it go.

Bonjour, j'espère que ça va ce matin, c'est Cédric. Énergie, on est mardi, The Pauline Scarma écouté dans la playlist Énergie, Ariana Grande juste derrière, et avant de le retrouver en direct un petit peu avant 6h pour ce matin, aussi le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est parti pour le jeu de Glandu. Ouais. Comme chaque lundi, le principe, il est très simple, il va nous poser une question, chacun notre tour, qui commence tout le temps par, d'après toi, qui est dans le studio? Ouais. Et dès qu'on donne un nom, ça énerve. Ouais. Allez, on y va. On commence par celle qui normalement est la plus gentille, Isabelle. Ah merci. D'après toi, qui dans le studio a lu le moins de livres? Oh là c'est très facile, ah. Vraiment. Manu. Tu sais. Oh c'est pas méchant, franchement, vu le temps que tu passes sur les jeux vidéo, tous les jeux vidéo que tu connais par cœur, c'est impossible que tu aies le temps de lire. Le nombre de manuels de jeux que je lis. Ça compte pas Manu, ça, les manuels. Ouais. Ok, c'est... alors c'est vrai que je lis plus beaucoup, on en a parlé, hein, ouais. Déjà, bah oui. Plein de fois, je lis très très peu. Mais j'achète quand même, je fais fonctionner le business, j'achète des bouquins au relais à chaque fois que je prends l'avion ou le train, et je les lis pas. Ouais. C'est vrai que chez toi, t'as une très belle bibliothèque. Ah, tu vois? Voilà. Alors. Et c'est quand la dernière fois que t'as fini un bouquin? C'était à combien de temps? Oh la vache. Ah oui. D'accord. Fini un bouquin? Ouais, fini. Ah, c'est chaud. Hein. Fini, genre, je ferme la dernière page et je dis, oh. Ouais, c'est le principe. Ah, mais je crois que c'est peut-être 10 ans, hein. Ah ouais? Oui, là, c'est pas bon. Mais je lis plein de trucs sur internet. Ouais. Ça compte pas. Je lis Wikipédia, je lis des trucs entiers. Mais ça compte pas. Mais ça compte pas, c'est de la lecture. Mais c'est pas une histoire, Manu, une histoire qui commence, un milieu, un dénouement, tout ça, quoi, une vraie histoire. Tout ça. Tu lis beaucoup d'histoires, t'as l'impression. C'est vrai que les dénouements sur Wikipédia sont nuls en général. Hein. Ouais. Oh, mais tiens, qu'est-ce que vous me voulez là? Bon, vas-y, tu veux te venger? Oui. Allez, on y va. C'est quoi, quelle que soit la question, ce sera Isabelle la réponse. Oh, d'après toi, qui dans le studio a le rire le plus moche? Je viens de le dire. Oh, non. Et Isabelle. Ah bah non, là c'est Nico, regarde comment il vient de rire. Non, je vais vous dire la vérité. Non. Le rire le plus moche, c'est Paulette. Oh ah ouais. Mais pourquoi t'es méchant toi? Je suis pas méchant, on me pose la question. Mais si là, mon rire, je ris plus. Tu sais quoi, fais des vannes, je ris plus. Oh, l'autre, elle est vexée. Bah attends, qu'est-ce que t'as avec mon rire? Tu me l'as jamais dit avant. J'ai dit le plus moche de nous tous. Ça veut pas dire du monde. Non, mais ça veut pas dire que. Déjà du monde, fais un concours quand même. Mais ça veut pas dire qu'il est moche, c'est le plus moche. Ouais. C'est comme si on devait donner le plus moche dans un groupe. Ah. Et puis tout ça, c'est très subjectif. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est que ton rire, parfois, il est un peu. Ah oui! Oh, mais ça c'est quand un truc me fait moyennement rire. Oh! Ça dépend. Aïe. Ou quand t'as pas compris les blagues. Oh Peut-être parce qu'elles étaient pas drôles. Ou peut-être que parce que définitivement tu comprends rien à rien. Les écoute pas, Paulette, ils sont aigris. Moi j'écoute pas, tu sais. Tiens, à quoi ça sert qu'elle écoute, elle comprend pas. Ça suffit. Allez, Paulette, tu vas pouvoir te venger. D'après toi, qui dans le studio utilise le plus la navigation privée sur Internet? La navigation privée, ouais, c'est quand vous cachez. Ouais, pour vous faire un cadeau. Ouais. Quand en fait, on va sur Internet, on veut souvent la navigation privée, ça permet de ensuite de ne pas être dans l'historique. Oui, pour regarder des films. Donc, au départ, j'aurais dit Manu, mais bon, il est célibataire, donc il a plus rien à cacher. Mais pourquoi, pourquoi moi avant même? Oh, bah, mais si, t'es bien, t'es pas le dernier. Mais c'est archi vendu, le mec. Mais quoi? Mais non, c'est tellement toi. Non, je pense. Mais moi, je m'en fous. Aujourd'hui, que vous avez plus rien à cacher, ni toi, ni Glandu, bah, c'est Nico. Bah, attends, mais si. Attends, je veux dire, j'utilise quand même la navigation privée. Enfin, pas moi, mon cousin, pardon. Non, mais c'est Nico. Puis dernièrement, tu me disais que tu voyais pas beaucoup ta femme. Et alors? Donc, tu dois utiliser pas mal la navigation privée. Alors, tu sais que c'est pas forcément automatique. Hein, je passe des longues journées à partir de maintenant dans l'émission, on parlera plus de site X, de site pendant, on parlera de navigation privée. C'est joliment dit. Quelle est ta catégorie préférée en navigation privée? Dernière question. Nico. Ouais. Qui dans le studio a le plus de chances de se faire licencier, d'après toi? Si le retard est une cause de licenciement, bah Paulette quoi. Ah ouais. Mais non, mais elle est jamais en retard au boulot. Ouais, mais je pense que même pour tout le temps où elle est en retard, même pour les autres, je pense que le patron peut dire non. Tiens, j'ai dit que le patron de l'énergie un jour que la convoque, lui dit t'es viré. Mais pourquoi? Parce que vous êtes arrivé en retard. Mais je suis toujours à l'heure le matin. Oui, mais à toutes les soirées. Ouais, c'est ça. Le truc impossible. Honnêtement, tu peux gagner au prud'homme là-dessus. Hein. Je pense. Tout à l'heure, 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Bitches. Energy.

be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me. Don't you ever go. I've seen it on TV. Sur Énergie, c'est Cédric. C'est cool là, de vous réveiller avec nous ce matin. J'espère que tout va bien, que vous êtes tous bien dormis. On va se faire MHD dans la playlist Énergie. Lady Gaga juste derrière. MHD Lady Gaga, et on va le retrouver en direct un petit peu avant 6h tout à l'heure. Celui que vous pouvez appeler hein, pour lui parler en direct, 0870 42 48. C'est le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Énergie. C'est Manu dans 6-9. J'ai trouvé le top 3 des pires voisins selon les Français. Ah, ouh là là. Je pense qu'on va pouvoir lancer, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, le livre des records des auditeurs. Ouais. Le livre des records des auditeurs, c'est quand on a un sujet un peu comme ça, on se dit qui a encore plus fort. Ah oui. Ouais. Vous pouvez nous appeler au 0870 42 48 pour me dire, pour nous dire qui ou quel a été votre pire voisin et pourquoi. Mmh. Ouais. Okay. Voici le top 3 des pires selon les Français. Celui qui fait les travaux le dimanche. Ouh là ah là. Ouais, ouais. C'est interdit. Oh. Alors je crois que c'est interdit exactement. Ouais, ouais, c'est monsieur la, ah monsieur ouais, la loi. C'est cool. Ah ouais, non, mais Nicole la loi. C'est interdit monsieur. C'est pas bien. Moi j'ai une voisine qui faisait l'aspirateur, mais tous les dimanches à 8h précises, elle passait l'aspirateur pendant une heure. Ah c'est tôt. C'est comme les travaux quoi. C'est relou. Et pourquoi faire du bruit le matin le dimanche? D'abord pourquoi se réveiller le dimanche matin? La vraie question c'est ça. Dans le top 3 des pires voisins, il y a aussi celui qui appelle la police au moindre bruit. Oui. Ah ouais, ouais. Alors que si celui-là, il habite en dessous de celui qui fait les travaux le dimanche, oh là. Je perds le commissariat du coin. Ouais, ouais. Et je savais pas que ça existait, mais il y a aussi le tapage diurne. C'est-à-dire que tu peux porter plainte la journée. Mais, t'as pas le droit de faire trop de bruit la journée aussi. C'est improbable quoi. Alors, si on peut plus faire de bruit ni la journée ni la nuit, vivons seuls au fond des bois quoi. Oh, la journée. Et si tu testais? Ma Paulette. Top 3 des pires voisins selon les Français. Les couples qui se disputent en permanence. Ah ouais. C'est vrai ouais, que chiant. Quand t'es dans un immeuble et que t'entends tout le temps gueuler, ouais. C'est ouais. compliqué parce que en plus tu dis bon et là je vais monter. Hein. Ouais. Je vais monter, je vais dire ça se calme. Ouais. Tu dis mais de quoi je vais me mêler. Enfin tu vois, c'est compliqué. Et à l'inverse, moi en ce moment c'est les couples qui font l'amour très fort. Ça te déprime ça quand t'es célib et t'entends les couples qui font l'amour super pareil, fort. Tu dis bon, je vais monter. Quel est ou quel a été votre pire voisin et pourquoi? Allez Nico. Alors vous allez me traiter de vieux con hein, mais moi vieux con. Ouais. Ah, ça y est, c'est fait. Mais j'avais des étudiants moi qui habitaient sous mon appartement, qui étaient juste en dessous et qui faisaient la nouba tous les soirs quoi. La nouba. Ouais. Vieux con. Ouais. La nouba. Ah non mais c'était chiant tous les soirs. Tu sais Nico. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait 10 ans. 10 ans. Ouais. Et j'ai l'impression que tu vieillis beaucoup plus rapidement que normalement. C'est ouf. Mais c'est vrai que je t'ai dépassé. C'est dingue. J'avais connu, j'avais 19 ans. Il y a 10 ans, jamais il aurait dit Nouba. C'est dingue. Et même maintenant. Ouais. Ouah. Ça se dit pas. Non. Ah ouais. La Nouba. Et puis tu deviens un vieux con. Hein. Un peu, ouais. C'est vrai que je suis un peu à cheval sur les lois. Et en plus, je crois qu'on dit Noumba et pas la Nouba. Non, on dit Nouba. Ah bon, Nouba. Ouais, ouais. C'est l'erreur alors. Oh j'ai toujours cru qu'on dise bah excusez-moi, on oublie. Je t'en prie. Ouais. Tu vois, elle est plus vieille que moi. Mais alors peut-être qu'effectivement au XVIIe siècle, Isabelle, on disait Numba. Quel a été votre pire voisin, Glandu? Ah, moi sans hésiter, c'était ma voisine du dessous. Elle nous avait convoqués avec mon ex pour nous interdire de tirer la chasse d'eau après 22h30. Wow. Ouais. Elle nous avait convoqué pour ça. Au début, on pensait que c'était un apéro. On arrive en disant ça va être un apéro. Et non, c'était ça. Elle nous avait en plus donné des patins pour nos chaises et elle est complètement folle. Oh. Elle supportait pas les bruits. Elle supportait pas. Et pas de pipi après 22h30. Le problème, c'est que dans certains immeubles, quand tu tires la chasse d'eau, c'est vrai que globalement tout le quartier l'entend. Ah bah ouais. Oui, mais ça, je veux dire, on va pas arrêter de tirer la chasse. Parce que tout le si tu fais un petit pipi la nuit, tu peux ne pas tirer la chasse et tu le fais le lendemain matin. Ouais. Ah ouais. Mmh. Ah voilà, nuit, après, faut qu'il y en ait qu'un, hein, t'as pas le droit de repasser derrière. Mais... Lisa, bonjour. Hello. Bienvenue sur Énergie, Lisa. Nous ouvrons le livre des records des auditeurs, Mon pire voisin. On t'écoute. Eh ben moi, mon voisin, c'est un voisin qui était fan de l'époque médiévale. Donc, il était à fond dedans. Je l'ai même, des fois, je le croisais, il était en tenue, là, avec tous ces trucs qui font plein de bruit, tout en ferraille, etc. Non. Oh merde. Mais si, ils faisaient leur soirée, et du coup, c'était à thème. Donc, c'était mon voisin de palier. Donc, j'entendais, non, ça criait. Ils chantaient leurs chansons d'époque super fort. Enfin, d'accord, ok. C'est étrange, hein. Ah bah oui. Nico. Ah ouais. C'est-à-dire que quand tu ramènes un premier rendez-vous chez toi, faut le prévenir, quoi. Parce que si tu croises le mec qui descend les poubelles. Non, c'est rien, c'est Patrick. Quand il descend les poubelles, il y a la musique, hein. Je suis le chevalier Patrick. Je descends les poubelles. Alors maintenant, Lisa, pour ce genre de personne, si vraiment tu veux t'en débarrasser, t'installes un gros aimant dans l'escalier. C'est réglé avec l'armure. Merci de nous avoir appelé, Lisa. Belle journée à toi. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Énergie. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Elle habite dans ma ville. Quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr. Même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute. Elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine. Je ferai pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Aïe, aïe, aïe, aïe. Hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. D'avoir un sourire, un regard ou un petit câlin. Aïe, aïe, aïe, aïe. Seen a lot of girls in my life, now I've seen you, I can't move on. You wind up that way, making me dance, now I can't move on. Oh, my girl so sexy, the way she dance so sexy. So she give me love sexy, you making me once more sexy. Yeah, with your sexy body, come and chop my money, yo. Ay, ay, ay, ay. Oh, yeah, take all my money, put them for your head. Ay, ay, ay, ay. Make me my they go, baby girl, so. Ay, ay, ay, ay. Make you follow me, go make you drop all my money. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Ay, ay, ay, ay. Eh, ma bella, eh. Ay, ay, ay, ay. D'avoir un sourire, un regard ou un petit câlin. Ay, ay, ay, ay. Elle est rentrée dans ma life. Et mon cœur, elle l'a mis game over. Elle pas une autre. C'est dans mes bras qu'elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life. Et mon cœur, elle l'a mis game over. Hey, ma bella, hey. Aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chier là pour toi, ma bella. Aïe, aïe, aïe, aïe. Toi ma bella, aïe aïe aïe aïe. Énergie. I'll never be the ground. et Bradley Cooper. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Vous êtes sur Énergie, bon réveil tout le monde, on sent un petit point météo. Énergie, météo. Bon, et toujours de la pluie dans le sud de la France, parfois encore des orages. Je pense fort à vous, alerte orange encore en cours sur le pourtour méditerranéen. Sinon, bah, c'est gris dans le nord-ouest, d'ailleurs il fera plutôt beau. Les températures ce matin, 12 à 19 degrés. Cet après-midi, on garde le même ciel dans le sud, les pluies se calment enfin. Quant aux températures, 17 à La Rochelle, Brest, Caen et Le Havre, il y aura 20 à Bordeaux, Toulouse, Nice, Montpellier et Marseille. 24 à Strasbourg, Metz, Lille, Paris, Dijon et Lyon. Un bon réveil avec nous sur Énergie. Retour en direct de Manu dans 6-9 sur Énergie, juste avant 6h. Et là, c'est Dinero avec Gigi D'Agostino sur Énergie. We had the love. C'est Cédric sur Énergie. J'espère que tout va bien ce matin. On va écouter Vita dans la playlist Énergie. Vita avec Slimane. Et avant de le retrouver en direct, un petit peu avant 6h là, il va doubler votre salaire à 7h05 et 8h05. Inscrivez-vous à énergie.fr. Voici le meilleur de Manu dans 6-9 sur Énergie. Manu dans 6-9. C'est rigolo. Tous les matins sur Énergie. Je vais vous dire un truc. Dans la vie, il y a des journées qui te changent. Ouais. Il y a même des journées qui te changent ta vie. Ouais. Et aujourd'hui est une journée qui va certainement changer notre vie. C'est une maison bleue. Vous connaissez tous la chanson de Maxime Le Forestier, San Francisco. Ouais. Tout le monde la connaît. Bah oui. Quand tu nais, cette chanson, tu la connais. Vendredi, nous avons eu un débat houleux. Oui. Avec Landu. Ouais. Sur ce passage de la chanson que je vous demande de réécouter attentivement. Où êtes-vous, Lise et Luc, Sylvia. Je dis qu'il dit où êtes-vous, Lizard et Luc. Ouais, je l'ai appris quand j'étais scout cette chanson, j'en suis sûr. Glandu me dit non, c'est Lisa et Luc. Ouais. Cindy et Geoffrey, qui étaient avec nous au téléphone à ce moment-là vendredi, sont toujours avec nous. Bonjour à vous deux. Salut Manu. On vous rappelle que vous êtes en couple, hein, tous les deux. C'est tout ça. Voilà, normalement, on devait faire un moment où chacun raconte ses meilleurs souvenirs, ses pires souvenirs en couple, etc. Puis on a embrayé là-dessus, donc du coup, on l'a pas fait. Ouais. Donc, du coup, on s'est retrouvé à parier quand même 50 euros sur cette histoire. Ouais, c'est beaucoup. Geoffrey est avec moi, Cindy est avec Glandu. Si j'ai raison, Glandu donnera 50 euros à Geoffrey. Si Glandu a raison, il donnera 50 euros à Cindy. Bah non. J'ai pas une paire à voir. Je donnerai 50 euros à Cindy. Ouais. Mesdames et messieurs, attention. Nous avons avec nous la seule personne au monde à pouvoir nous dire ce qu'il dit lui-même dans la chanson. Maxime Le Forestier, vous êtes avec nous ? Je suis avec vous. Maxime Le Forestier ! Mais alors déjà, avant que vous nous donniez la réponse, et avant de savoir si on va perdre 50 euros ou pas, vous savez que vous êtes pour moi un monument. C'est mythique. Ouais. Non mais je sais qu'ensuite, évidemment, après ces chansons-là, il y a eu d'autres chansons quand même, il y en a eu un paquet. Mais celle-là, c'était la première chanson que j'ai apprise à la guitare. Mal, mais je l'ai apprise. Ah ouais. Elle est facile à jouer, faut dire. Ok, bim. Donc bim, voilà. Voilà, comment se faire humilier en deux secondes par Maxime Le Forestier à la radio. Ça c'est fait. Maxime, êtes-vous prêt à nous révéler la réponse à la question qu'on se pose? Alors moi d'abord, je ne suis pas du tout opposé à l'idée que les gens comprennent ce qu'ils veulent dans une chanson. Hein, ça me convient tout à fait. Cependant, ce que j'ai écrit et que j'ai donc déposé à la SACEM, c'est Lizard, L-I-Z-A-R-D, le lézard, qui s'écrivait d'ailleurs avec deux Z. Lizard et Luc. C'est génial. Ah, bim, je suis désolé, madame. Mais... Ah bah vous êtes pas désolé, je viens de gagner 50 euros. Lizard et Luc. Mais Maxime, qui s'appelle comme ça? Vous avez vraiment croisé un gars qui s'appelait Lizard, comme un lézard? Tout le monde avait des surnoms dans cette maison de dingue. Il y en avait un qui s'appelait Chuck, le canard. Tout le monde avait des surnoms. Parce que en fait, c'est une maison bleue adossée à la colline. Elle a vraiment existé, cette maison. Oui, elle existe toujours. Bon, il n'y a plus les mêmes gens dedans, mais on a même posé une plaque pour signaler. Oui. Le consul de France a fait un discours au nom de la France et tout. Et je me souvenais, pendant qu'il parlait, de ce qui s'y passait il y a 40 ans. Et je me disais, les temps ont changé. Alors là, excusez-moi, vous attisez notre curiosité. Ah ouais. Parce que déjà qu'ils avaient tous des noms avec des pseudonymes bizarres. Ouais. Mais est-ce qu'on veut vraiment savoir ce qu'il se passait dans cette maison, ou est-ce que ça doit rester une légende? Ça doit rester une légende pour que tout le monde puisse fantasmer. Mais je peux vous signaler qu'il y a un bouquin qui vient de sortir, qui est signé par Phil, celui qui joue de la quena dans la chanson. Oui, Phil à la quena, t'as mal à la quena. Voilà. Bon, Phil est toujours vivant et il a écrit un livre sur son aventure dans cette maison. Ah ouais. Ça s'appelle C'est une maison bleue. C'est, j'ai l'impression, c'est Maxime, un joli bouquin. J'ai l'impression, Maxime, qu'on s'est connus 40 ans trop tard. J'aurais bien voulu passer dans cette maison. Ah bah ouais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et grâce à ça, Geoffrey. Ouais. Ouais. Grâce à Maxime Le Forestier, Glandu va prendre ton RIB, il va te payer 50 euros. Hein. Ouais, on va faire un paiement trois fois. Un paiement étalé. Hein. C'est pas grave tant que ça arrive. Ouais, je te le fais. Maxime Le Forestier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie, bonne journée. Bonne journée à vous et qui m'avez permis d'économiser 50 euros en plus. Quand vous voulez, je vous offre un verre. Voilà, je peux pas dire mieux que ça. Absolument, avec plaisir. Tout à l'heure, 6h, 9h30. Manu. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est déjà trop, tout me semble faux. t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi. Là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi. Là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Sur Énergie, il est pile 5h55. Ouais. Ah, c'est le moment que j'attends depuis hier soir. Ah. Quand je me suis couché hier soir, je ne pensais qu'à une chose. Ouais. Le club du 555. Oh, c'est beau. C'est bon. Ah, ouais. on démarre l'émission dans 5 minutes. Mais avant, c'est le club du 555. T'as une surprise ? Quelque chose de très fort ? Tu veux dire que chaque jour, c'est pas une surprise ? Ah, mais ouais, si, chaque jour, c'est une surprise. Tu veux dire, Isabelle, que chaque jour, c'est banal ? Non. Que chaque jour, le club du 555, c'est la routine ? Que chaque jour, le club du 555, ça fait... Ça ronronne ? C'est ça ? Tu veux dire que je suis un chat ? Moi, un chat ? Tu veux dire que je suis Satan, le diable ? Tu veux dire quoi, en fait ? Que tu veux me supprimer ? Tu veux m'ôter la vie ? Mais pas du tout, c'était pour savoir si t'avais un truc comme ça à nous dire. Ah, j'ai bien compris. Bah. L'émission démarrait bien. Ouais. C'est très dommage, Isabelle, ce que tu viens de faire. Tu as tout à fait raison, Nicolas. Oui. Toi qui passes 30 minutes, voire une heure chaque jour à choisir le 555, quoi. Merci, Glandu. Tu te rends compte de ton erreur, Paulette ? Oh oui, oh oui. Pardon, j'ai dit Paulette. Mais tu sais quoi, Paulette ? Je te mets dans le même sac qu'Isabelle. Eh ouais, bah justement, t'aurais pu prendre ma défense. Vous allez bien sinon ? Ah bah oui, ça va. Très bien, moi je suis un peu tendu, mais ça va. On démarre l'émission dans 4 minutes, c'est Manu dans le 6-9. Mais avant ça, oui, c'est le club du 5-5-5. Tous les jours, on se fait un plaisir, on s'écoute un titre qui va nous lancer la journée. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est vous. Sur l'application Manu dans le 6-9, vous pouvez nous envoyer des messages vocaux. Et de temps en temps, vous nous dites, tiens, est-ce qu'on pourrait écouter un titre dans le 5-5-5 ? Eh bah aujourd'hui, écoutez bien, c'est vous qui l'avez choisi. Eh Manu, je pense que pour le club 555, on devrait se faire là, un bon vieux Let Her Go de Passenger. Alors excusez-moi, il y a un mec qui a l'accent québécois. Moi, moi je vous le dis, je fonds. Ah oui, classe. C'est pour toi. Je sais pas s'il nous appelle du Québec ou s'il nous appelle de France et que tu viens du Québec, ou alors que t'es simplement à Blois mais que tu imites très bien l'accent québécois, ou alors t'as l'accent québécois mais tu le sais pas. C'est possible aussi. Bref, ouais. Pour toi et pour tout le monde, voici Passenger, c'est Let Her Go sur LRG. Bienvenue, on démarre la journée ensemble. C'est Manu dans 6-9. You only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. We see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Where you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.